Notre invité est le neurologue Pierre Lemarquis. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme. Bienvenue dans cette émission. Votre livre nous a fascinés, beaucoup plu. Il s'intitule « L'art qui guérit ». Il est préfacé par un ami de la maison qui est Boris Cyrulnik. Et en fait, dans « L'art qui guérit », vous allez non seulement nous expliquer comment fonctionne le cerveau, c'est votre métier, vous êtes neurologue, et ensuite nous donner, parce que vous êtes un grand amateur d'art et vous étudiez cette question depuis longtemps, que fait la musique sur notre cerveau et donc sur notre air. Mais derrière la musique, évidemment, toutes les formes d'art, d'art visuel notamment. Et c'est ce dont nous allons nous parler ici, en nous emmenant finalement dans une espèce d'exposition que vous avez vous-même créée dans ce livre. C'est une espèce de visite imaginaire de cette expo sur l'art qui guérit. Et votre livre en serait un petit peu le catalogue expliqué. Alors, j'aimerais vous poser d'abord une question. Moi, Pierre Lemarquis, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, une question que je me pose assez souvent. Vous en parlez d'ailleurs à demi-mot au début de votre livre, dans l'art qui guérit, et on voit qui sont les artistes, notamment, qui ont largement collaboré à vos études. C'est que quand on naît, on va survivre. Donc téter le sein de notre mère ou prendre le biberon, dormir. Mais soudain, il va se passer des premiers émerveillements, probablement une lumière, un objet qui passe devant nous, qu'on va considérer pour autre chose que de la pure survie, qui est une autre partie de notre être, qui va nous donner le plaisir et donc l'envie de vivre, parce que survivre, ce n'est absolument pas suffisant. Et puis on va prendre un crayon, on va se mettre à dessiner. Enfant, on va entendre une chanson, on va se mettre à la chanter sans arrêt. Et puis à un moment dans nos vies, Pierre Lemarquis, ça s'arrête. On dessine moins, on chante moins. Pourquoi ? Parce qu'on se sclérose, malheureusement. Notre cerveau, il est plastique, mais c'est surtout avant 7 ans. Après, les choses vont être un peu plus difficiles, mais heureusement, ça reste toute la vie. C'est un peu plus compliqué quand on vieillit, quand on prend de l'âge, mais le processus est toujours faisable. Et puis, vous faites allusion au sein maternel. Pour Darwin, c'était la première œuvre d'art, le sein maternel. Mm-hmm. C'est quelque chose de gastronomique, d'érotique, qui nous nourrit, qui a la fonction de l'art, c'est-à-dire ça va sculpter et caresser notre cerveau. On a besoin du lait maternel pour grandir et puis en même temps, ça nous fait du bien. Apparemment, ce serait, vous savez, ce qu'on retrouve dans toutes les cultures, ce qui est commun à toutes les cultures, c'est cette ligne serpentine. Vous voyez, c'est une ligne qui a un peu la forme d'un S. Et bien, c'est le sein maternel. C'est la première chose qui est restée en nous et qui nous va... C'est le point de départ de notre vocation artistique. L'art qui sculpte et caresse notre cerveau, c'est une formule importante dans votre livre, et on va largement y revenir. Les philosophes se doutent depuis longtemps qu'évidemment l'art, la représentation, la culture, ce n'est pas là pour rien. Il y a là matière à vivre et vivre encore et à guérir probablement, à renaître éventuellement. Et vous citez une phrase de Jean-Marie Gustave Le Clézio, il écrit « Un jour, on saura peut-être qu'il n'y avait pas d'art, mais seulement de la médecine ». C'est très très fort. Ah, c'est une phrase exceptionnelle. Donc, vous savez, Le Clézio, il est célèbre à 22-23 ans, avec le procès verbal qu'il envoie par la poste. Il a le Renaudot. Et puis après, à 30 ans, il se cherche un peu. Donc, il veut rentrer dans un monastère bouddhique. Il va au Panama. Il est amené et il rencontre des Indiens d'Amazonie. Il sympathise avec eux. Et il va les retrouver en pleine saison des pluies. Il va rester 7 mois avec eux et plusieurs années de suite. Et il dit qu'il ne pensait pas rencontrer des formes d'art, enfin, telles qu'on les conçoit habituellement. Et il va rencontrer notamment une femme qui a un cancer, une femme jeune, donc la médecine disons occidentale peut rien pour elle, donc on l'a renvoyée dans son village et il va assister le soir à des cérémonies, donc des formes d'art, et il voit cette femme qui est mourante, qui sourit, qui est heureuse. Bon, ça va pas la guérir, mais ses derniers instants seront complètement transformés grâce à toutes ces formes d'art qu'il a jamais ressenties aussi fortes que dans la forêt amazonienne. Et quand il a eu le prix Nobel, il rappelle cet événement qui est survenu 40 ans plus tôt, qui l'a hanté toute sa vie. Et il en parle dans son discours de Stockholm. Alors on va parler de l'art qui guérit avec vous, Pierre Lemarquis. Mais on va peut-être définir l'art. C'est quoi l'art ? Ah, ça c'est une bonne question. Normalement, on dit qu'il y a, ça peut être... on dit qu'il y a une intervention humaine pour qu'on parle d'art, vous voyez, mais pour un paysage, c'est une forme d'art aussi que nous offre la nature. Donc, la définition justifie qu'il y a une fabrique qu'il y ait une fabrique de quelque chose, d'un élément, qui soit soumis, qui soit apprécié, on va de nos sens, de ce qu'on ressent par les sens, pour aller vers ce qu'on appelle l'esthétisme, l'impression du beau, qui est très difficile à définir, et puis qui est très variable. On peut trouver quelque chose est beau, et puis pas l'aimer. Et puis on peut aimer quelque chose qui n'est pas beau. Ce qu'on aime, c'est très personnel. C'est en fonction de ce qu'on a vécu, consciemment ou inconsciemment. Ce qu'on trouve beau, c'est ce qui correspond à des critères. Vous voyez, c'est des critères, c'est bien fait, c'est bien proportionné. On va dire c'est beau, mais est-ce que vous en voudriez chez vous ? Ah non, pourquoi ? Ça m'ennuierait d'avoir ça dans mon salon. Ouais. Alors, vous êtes neurologue, Pierre Lemarquis. Alors, quand on voit le cerveau, on se dit « Oh là là, ça a l'air compliqué cette histoire ». Eh bien oui, c'est compliqué. Toutefois, vous parvenez à expliquer un petit peu bien les différentes zones, arrière, avant, gauche, droite. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça un petit peu pour nous qui sommes béotiens, pour qu'on comprenne bien évidemment la suite de la discussion, comment est fait notre cerveau et quelles zones sont touchées pour dire que éventuellement l'art pourrait guérir. Alors, on peut dire très schématiquement qu'on a deux cerveaux, on va simplifier. Donc, il y en a un, c'est celui qui reçoit les informations qui sont amenées par les sens. Donc ça, c'est dans la partie postérieure du cerveau. Donc, on reçoit ces informations, on va les comparer à ce qu'on a en mémoire. Et puis, notre beau lobe frontal, qui, semble-t-il, nous distinguerait de l'animal, ce beau lobe frontal nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie. Enfin, c'est un ordinateur, il ferait la même chose. On a des informations, il faut faire ça pour s'adapter. Donc, ça, c'est pas amusant. Heureusement, dans les profondeurs du cerveau, on a un cerveau plus archaïque qui est dédié à Dionysos, au plaisir, à la récompense, à la joie de vivre. Alors lui, il nous donne envie de rester en vie. Vous voyez, donc d'un côté, des informations qui nous disent ce qu'il faut faire pour rester en vie, et de l'autre, des informations qui nous disent ce qu'il faut faire pour être heureux de vivre. Alors, ils ne sont pas toujours d'accord. Hein. On pense au cavalier qui est sur son cheval. Bon, bah, le cavalier veut aller du point A au point B, et le cheval, il veut s'amuser, aller brouter à droite à gauche. Donc, et le cheval est plus fort que le cavalier. Heureusement, le plaisir est plus fort que la raison. Alors, si on arrive à ce que les deux marchent bien ensemble, on a de la raison et du plaisir, c'est l'épicurisme. Donc c'est une bonne façon de passer sa vie. Quoi. Alors si maintenant on veut avoir du plaisir dans la raison, là c'est la recherche du bonheur, c'est de la philosophie. Oui, c'est ça, c'est bien, passionnant, bien sûr, et on va aller plus loin. Éric Russon. Oui, bonjour Pierre. C'est vraiment un bouquin passionnant, où vous expliquez, puisqu'on est sur le sujet du cerveau, qu'il y a moyen finalement de le sculpter, ce cerveau-là. Est-ce que l'art nous permet justement de, entre guillemets, sculpter le cerveau ? Oui, parce que en fait, il nous fait sortir de notre cage et puis on va être attiré. On met 2 secondes pour refuser une œuvre d'art, trouver qu'elle nous intéresse pas. 4 secondes pour dire qu'elle nous intéresse. Quand elle nous intéresse, c'est que quelque part elle nous ressemble, consciemment ou inconsciemment. On voit des choses qui nous rappellent des choses agréables. Une fois qu'on est face à cette œuvre d'art, on interagit. Vous voyez, les études ont montré que ce soit une musique, un livre ou une peinture, on se comporte comme si on était face à un être humain, face à une entité biologique. C'est quand même extraordinaire, c'est un objet, mais on se comporte comme si on était face à quelque chose d'humain, de biologiste. Donc il y a des interactions, donc on élargit notre champ de vision, et donc on peut dire à ce moment-là qu'on le sculpte. Alors ça a été bien montré avec la musique, vous voyez, si vous jouez du violon, bah, vous aurez le 4e, 5e doigt de la main gauche, qui vont être mieux représentés dans votre cerveau. Si vous jouez des instruments avant, vous aurez la sensibilité des lèvres qui va être exacerbée. Donc c'est extraordinaire. Vous imaginez un trompettiste qui donne un baiser, ça doit être extraordinaire pour lui. Donc vous nous expliquez que l'art sculpte notre cerveau parce qu'en fait il en modifie le fonctionnement. Hein. Il va diminuer ou augmenter des choses selon des circuits qui seraient plus ou moins utilisés et probablement motivés et stimulés. Mais vous dites aussi que l'art caresse notre cerveau en stimulant, et alors attention, j'adore ces mots, les circuits du plaisir. Voilà, circuit du plaisir et de la récompense, c'est joli. Hein. Les mots scientifiques sont épouvantables. Hein. Aire tegmentale ventrale, nucleus accumbens, circuit du plaisir et de la récompense, c'est bien plus joli. Donc là, il sécrète plein de substances qui sont très bonnes pour nous. Alors, il y a surtout la dopamine dont on entend beaucoup parler. Donc la dopamine, celle qui est responsable de l'élan vital. Vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'important. Et puis c'est aussi ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Donc, c'est ça que les parkinsoniens, on leur fait danser le tango, ils se secrète de la dopamine, et pendant un moment, ils oublient un peu qu'ils sont parkinsoniens. Mmh. Puis on secrète des choses qui se rapprochent de ce qu'on trouve dans les antidépresseurs, et puis une substance importante, c'est l'endorphine. Vous voyez, on fabrique beaucoup de morphine endogène. C'est ce qui nous donne les frissons. Vous voyez, si on bloque la morphine, on n'aura pas les frissons en entendant Freddie Mercury chanter Radio Gaga, quoi. C'est pas... Donc là c'est, cette morphine endogène est très importante parce qu'elle va soulager nos douleurs. On peut diminuer notre douleur par une œuvre d'art, non pas seulement parce qu'elles occupent notre attention, quoi, mais en même temps parce qu'on secrète de la morphine. Et puis aussi, ça peut, suivant le type d'œuvre d'art, on peut augmenter notre adrénaline si on veut faire du sport, ou la diminuer si on veut se reposer. En même temps, ça va diminuer la cortisone endogène, ça nous permet de nous détendre. Et puis ça agit aussi sur l'ocytocine, c'est cette fameuse hormone de l'amour, mais qui est aussi impliquée dans l'attachement, ce qui explique qu'on va tomber amoureux d'une œuvre d'art, qu'on voudra l'afficher dans sa chambre, ou d'une musique qui va passer en boucle dans notre tête, sans, de manière involontaire. Alors, vous êtes neurologue, on parlera aussi du mot guérir. On a défini art, mais guérir, qu'est-ce que c'est ? C'est aussi une grande question. Mais j'aimerais qu'on soit très pragmatique. Je vais vous parler un petit peu de ma vie, du coup, Pierre Lemarquis. Un jour, je suis confronté pour la première fois à la Pietà de Michel-Ange, à Rome, hein, dans la basilique Saint-Pierre. Et je ne sais absolument pas pourquoi, je me mets à pleurer. Première fois de ma vie que devant une œuvre d'art, je me mets à pleurer. J'ai un premier enfant, on va à Rome, je l'emmène voir la Pietà, qui est tout petit, je me remets à pleurer. Et maintenant, je fais le test, et c'est la seule œuvre d'art dans laquelle ça m'arrive de manière absolument systématique. Je la vois une fois tous les ans ou tous les deux ans, et j'ai des larmes qui coulent devant la Pietà. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe en moi à ce moment-là ? Alors ben, vous avez ce qu'on appelle le syndrome de Stendhal, c'est-à-dire que la beauté envahit votre cerveau, donc vous avez toutes ces sécrétions, mais il y a certainement d'autres choses, c'est réducteur de parler que de biochimie, il y a certainement quelque chose dans votre vie qui est très important. Vous savez que Michel-Ange a perdu sa mère très jeune, donc dans la Pietà, la mère est plus jeune que le Christ, qu'elle porte dans les bras. Vous voyez, donc c'est sa mère, c'est la mère de Michel-Ange. Mmh. Et puis on la retrouve dans le plafond de la Sixtine, il y a la Sibylle de Delphes, qui c'est exactement le même visage. Donc vous voyez, ce visage était très important pour Michel-Ange. Il doit y avoir des résonances dans votre vie. Enfin, je peux pas... C'est une possibilité, écoutez. Et j'embrasse ma maman, qui est toujours en vie d'ailleurs, c'est très bien. Guérir, c'est quoi guérir, Pierre Lemarquis ? Alors là, c'est un peu fort, en disant qu'on peut dire que l'art peut soigner, quoi. Guérir, c'est plus guérir, c'est panser les plaies. Alors, c'est la phrase de Braque, de Georges Braque, qui est très belle, qui résume un peu ça. L'art est une blessure qui devient lumière. Vous voyez, donc là, on est dans la résilience. C'est une blessure, grâce à l'art, vous allez la transformer en quelque chose de positif, en lumière. Donc, on peut penser à des... Enfin, il y a beaucoup de choses où ça peut arriver, notamment à Parsifal, c'est dans l'opéra de Wagner. Donc, il faut que la blessure du roi ne peut se fermer. Elle se ferme qu'au bout de 5 heures d'opéra, et à ce moment-là, il y a la cérémonie du Graal et la lumière qui arrive dans l'opéra. Quoi. Heureux les fêlés qu'elle laisse entrer la lumière. Magnifique. Vous, Eric Russon. Oui, parce que là, on parle évidemment de l'art que l'on regarde, que l'on écoute, auquel on est sensible. Il y a aussi celui que l'on produit. Et finalement, il y a quelque chose de logique dans tout ce qu'on raconte, puisque les premières œuvres d'art, vous remontez évidemment aux origines de l'art, aux premières œuvres d'art connues évidemment dans l'histoire de l'homme, et on se rend compte que ce sont des œuvres qui sont nées à partir de la conscience que nous étions mortels. Oui, on a besoin de donner un sens au chaos qui nous entoure, quoi, si vous voulez. Donc l'art, c'est une façon de cerner tout ce qui nous fait peur. Vous voyez, c'est pas, on l'enferme. On pense par exemple à Loïs Korbas, qui était la pionnière de l'art brut, qui était enfermée pendant 50 ans en asile psychiatrique. Donc elle a fait une grande œuvre qui s'appelle le cloisonné de théâtre. Donc elle met des cadres à sa folie dans son art, et donc ça limite sa schizophrénie, quoi. Quand on met, vous voyez, en ce moment il y a plein de films qui sortent ou de séries sur la Covid, ben c'est un peu l'idée, quoi. Ça, en le mettant dans une une série, peut-être qu'on arrivera à l'apprivoiser, à mieux l'appréhender, à en avoir moins peur. Ce qu'on fait avec l'art, c'est qu'on met les choses hors de soi-même. Vous l'expliquez, hein, d'ailleurs, au tout début, avec Albrecht Dürer, hein, qui a été un graveur, peintre allemand au XVe siècle, qui fait un dessin pour son médecin, pour lui montrer où il a mal. Et il pointe du doigt sur le dessin la douleur, et donc il l'externalise de lui. C'est la rate, et qui se dit spleen en anglais. Et oui, la rate, c'est spleen en anglais, et ça, c'est absolument formidable. On continue de parler de l'art qui guérit avec vous, Pierre Lemarquis, dans quelques instants. J'ai été tout à fait ému de réaliser dans votre livre, parce que vous parlez des peintures de sable des Navarros, que en Navarro, les mots santé et beauté, c'est le même. Oui, oui, c'est les études de médecine couronnent les études de philosophie chez les Navarros, si on veut. Donc, l'idée, c'est avec des peintures de sable, de faire un dessin sur le sol. Il y a des grandes cérémonies, il y a des chants, il y a de la fumée, et puis on met le patient sur cette peinture, on le couvre avec cette peinture de sable, et puis après on la dissipe un peu comme les mandalas des Tibétains, quoi, c'est pas. Mmh. Et donc, bon, ils ont des bons résultats sur tout ce qui est psychosomatique, à tel point que les assurances acceptent que de rembourser la médecine des Navarros dans les hôpitaux de la région, quoi. C'est... Ce qui est très fort, évidemment. Jacques de Pierrepont. Ben, c'est vrai que nous vivons dans une civilisation occidentale qui a toujours tendance à bien séparer. C'est ce qu'on demande aux gens pour qu'ils soient performants, productifs. On sépare l'intellect de l'émotion. Et vous soulignez bien que dans notre cerveau, il y a une charnière quand même qui unit tout ça. Oui, oui, c'est depuis les travaux de Damasio, l'erreur de Descartes, qu'on ne peut pas séparer le corps et l'esprit. C'est les deux faces d'une même médaille. Vous avez un ours qui arrive devant vous, vous allez commencer à avoir des réactions physiques qui vont vous provoquer le sentiment de peur. Vous voyez, puis en ce moment, ça se développe beaucoup à l'école normale sup, là, sur Paris. En ce moment, il y a des travaux sur justement notre cerveau est activé par les stimulations du cœur. Vous voyez, on ne s'en rend pas compte, mais chaque fois, ça nous donne une petite impulsion. Quoi. C'est pas, donc, on est un corps, on a la jonction entre l'intérieur et l'extérieur, les deux s'entrecroisent, et la ligne de vie, c'est entre les deux. Quoi. Il faut sentir qu'on existe, et puis en même temps, il faut sentir que le monde extérieur, tel qu'on le voit, existe aussi. C'est ce qui nous perd vivre. Si les deux ne sont pas pour eux, on se sclérose, on est des zombies. Mais le beau, c'est à la fois l'intellect et l'émotion. C'est ça, ça agit tout à fait sur les deux, avec, disons, la partie dédiée à Apollon de notre cerveau qui voit que c'est beau et bien proportionné, et la partie dédiée à Dionysos, au plaisir, à la récompense, qui va aimer ce qu'elle voit. Question terrible, évidemment. En quoi c'est bon pour un être humain d'aller voir la chapelle Sixtine ou une œuvre d'art de manière générale? Mais prenons la chapelle Sixtine parce que vous la prenez largement en exemple. Oui, parce que bon, ça m'a hanté cette histoire. Vous savez, il y a le fameux Miserere d'Allegri qui se jouait, que Mozart a déchiffré en l'entendant une seule fois. Qu'on ne pouvait jouer que là. Que là, alors bon, j'essaie de faire une enquête. Pourquoi on était excommunié si jamais on essayait de sortir la partition? Alors on me disait c'est pour les droits d'auteur. Enfin, j'y croyais pas, quoi. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est un morceau complètement magique, vous voyez, et que la Sixtine en elle-même est construite un peu comme un athanor. On a la Renaissance, donc l'athanor, c'était les fours mystiques des alchimistes. Donc rentrer dans la Sixtine avec toutes ces images qui ont tout un sens, qu'on perçoit malheureusement qu'un tout petit peu, quoi. Oui. Cette musique qui pouvait l'activer au milieu, mais ça ressemble beaucoup à une construction d'alchimisme. En fait, toute œuvre d'art, c'est comme ça. On rentre dans l'œuvre d'art, elle nous régénère, on en sort différent. Alors, l'idée, peut-être que l'idée extrême, c'était peut-être que ce morceau, ce Miserere d'Allegri, qui se jouait le Vendredi Saint, ça avait une petite idée de renaissance, de régénération, quoi. Mmh. Quand un Borgia est pape, il cherche à bénéficier des mêmes avantages que le Christ, c'est-à-dire de ressusciter, quoi. Donc, l'œuvre d'art, véritablement, comme un cocon hein, pour renaître. Et l'image de la chapelle Sistine est très forte parce qu'on rentre par une porte, on sort par une autre. C'est très petit, ça peut, c'est un utérus quoi, d'une certaine manière. Éric Russon. Oui, dans le livre, il n'y a pas qu'avec des œuvres d'art que les rencontres s'opèrent. C'est aussi avec un monsieur qui s'appelle Abby Warburg. J'aimerais qu'on parle pendant peut-être histoire une minute folle. Ou deux. Une histoire dingue, parce que c'est un historien de l'art qui est méconnu de ce côté-ci hein, de l'Europe. Pourtant, il a inventé quelque chose qui s'appelle... il a fondé l'iconologie. On parlait tout à l'heure du rapport qu'on peut avoir avec une œuvre d'art comme si c'était un être de chair. Il en est un petit peu à l'origine. Mais il a aussi une histoire de dingue parce que c'est un monsieur qui donc est historien de l'art, mais qui s'imaginait aussi en loup-garou. Est-ce que vous pouvez nous raconter en deux minutes cette histoire ? Ah, c'est vraiment, pour moi, c'est un héros, Abby Warburg. Oui. C'est un petit Zébulon qui est entre, il a la niaque de Mozart, si vous voulez, et la mélancolie de Michel-Ange, quoi. Il est entre les deux, et c'est quand même un banquier très, très puissant, et il renonce à la banque pour s'occuper de l'histoire de l'art. Ses frères, c'est l'équivalent des Médicis, hein, les Warburg, et donc, ils vont lui accorder tout ce qu'il veut, il va acheter 100 000 livres, qui aujourd'hui sont à Londres, pas très loin du British Museum. Mmh. Donc, il travaille, il fait des découvertes exceptionnelles, parce qu'il a, c'est un génie, donc il va, trouver des choses qui paraissent évidentes une fois qu'il l'a dit. Les gens se cassent les dents sur des dispositions de peinture dans des palais et lui va trouver la solution. Et puis il prend très à cœur la guerre... La défaite des taxidermistes, etc., il est du côté allemand. Donc, il devient fou, il pense que c'est lui qui est responsable de tout ça, puis il a travaillé quand même dans des livres à la bibliothèque du Vatican, il s'intéresse à tout ce qui est astrologie, etc. Donc, il pense d'un coup qu'il est devenu un loup-garou, c'est comme dans Shining, quoi. Il veut tuer sa femme, ses enfants, donc on l'hospitalise, et puis il va se passer quelque chose d'extraordinaire avec le psychiatre qui va s'occuper de lui en Suisse. Le psychiatre, Biswanger, est un élève de Jung et de Freud. Et il trouve que chez Freud, la neutralité bienveillante, il trouve que comment on peut comprendre un patient en étant neutre et seulement bienveillant. Et quand il rencontre Warburg, qui lui est dans l'empathie esthétique, il dit qu'il faut rentrer dans les œuvres d'art pour comprendre comment elles fonctionnent, et bien il va faire la même chose, il va inventer une nouvelle forme de psychiatrie où il va dire qu'il faut rentrer dans le cerveau des patients, comprendre comment ils voient le monde pour arriver à les soigner. Et Warburg va se soigner en faisant une conférence sur justement une visite qu'il avait fait aux Indiens Hopis, où il avait vu la danse de la pluie. Alors vous voyez, les Indiens dansent avec des serpents dans leur bouche, un vivant dangereux. Mais le serpent symbolise l'éclair, donc il permet de faire pleuvoir, quoi. C'est une pensée complètement analogique, quoi, qui est très éloignée de la nôtre, mais qui les fait vivre, quoi, si vous voulez. Et Warburg, quand il fait sa conférence, il a ses serpents en lui, ces monstres qui l'entourent, qui l'étouffent, et le fait de faire sa conférence, ça lui permet de les exposer, et il va amorcer son processus de guérison. Il est resté plusieurs années en Asie psychiatrique. Quand il a fait cette conférence, il en est sorti quelques mois après, et il a repris ses travaux scientifiques de très haut niveau, qu'on découvre petit à petit et qui sont tous merveilleux, enthousiasmants. Quoi. Alors évidemment, avec la culture, l'art, le dessin, la musique, on le voit hein, dans tous les homes, dans tous les centres, etc. Bon, on va retarder le déclin intellectuel, on va faire du lien. Hein. Les adolescents, par exemple, on les aide à créer des choses ensemble parce que ça crée du lien, de la cohésion sociale, c'est anti-anxiété. On remarque quand même que quand on va à un enterrement, il y a toujours de la musique, donc elle doit nous aider probablement quelque part. Ce n'est pas que pour rendre hommage, mais accompagner une espèce de travail, de deuil, mais moi, il y a un truc qui me touche particulièrement, et surtout en cette période de Covid, Pierre Lemarquis, c'est un petit chapitre intitulé « Trouver son pays des merveilles ». Que chacun maintenant se dise ça. Où il est, moi, mon pays des merveilles ? Est-ce que j'ai fait l'effort de me créer un pays des merveilles ? C'est très, très important. Et vous prenez comme exemple, un exemple sublime, qui est celui de Joseph Ferdinand Cheval, le facteur Cheval, qui a bâti pendant 30 ans son palais idéal, finalement, pour les beaux yeux de pas grand monde. Il a commencé en 1879. Si vous allez en dessous de Lyon un jour, vraiment, aller visiter le palais du facteur Cheval, c'est un émerveillement absolu. Lui, il a trouvé son pays des merveilles. Il l'a fabriqué. Oui, puis Et c'était donc, il avait une grande imagination, il marchait, il était dans la nature toute la journée, il parlait peu, hein, c'était un taiseux, mais il écrivait des poèmes, et puis tout ce qu'il trouvait, il était sensible aux beautés de la nature, et puis aux cartes postales qu'il amenait, qu'il regardait. Donc il a fait cette architecture en même temps que Gaudi construisait la Sagrada Familia. Donc c'est l'idée d'une architecture presque, Dali disait comestible, enfin quelque chose d'organique, quoi, si vous voulez. Et puis bon, il y avait sa fille Alice, donc qui était la reine de sa vie, et puis qui meurt jeune. Donc Alice, le pays des merveilles, il a voulu lui faire un palais. Ouais. C'est pour elle qu'il a construit ce palais. Plus le palais était grand, plus son chagrin diminuait. Mmh. Voilà, et donc il s'est soigné, hein, finalement. En tout cas, il a apaisé une forme de chagrin. Joseph Ferdinand Cheval, allez voir ce palais du facteur Cheval. Il y a évidemment plein de choses dont on aurait pu parler. Il y a des sujets absolument infinis dans votre livre. Mais finalement, si l'art guérit et si l'art nous préserve, hein, de la dépression, est-ce que vous comprenez, vous, nos gouvernements, et ce n'est pas en Belgique ou en France, c'est absolument partout, qui ont préféré les grands magasins aux endroits de culture, Pierre Lemarquis? Qu'a-t-on fait à travers cette décision? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben, l'idée, c'est de nous maintenir en vie. Donc, on nous maintient en vie, mais en prenant cette décision, on nous maintient en vie, mais on supprime ce qui nous donne envie de vivre. D'où épidémie de dépression, peut-être de suicide. On nous maintient en vie sans nous donner l'envie. Donc il faut vraiment que le plus vite possible qu'on puisse rouvrir tous ces lieux. C'est souvent comme ça. On pense que l'art, c'est facultatif. Quand il y a des réductions de budget, c'est toujours l'art qui part en premier, alors que c'est fondamental. Nietzsche disait, sans la musique, la vie serait une erreur. Mais on peut dire, sans l'art, la vie serait une erreur. Je suis d'accord aussi, hein. L'art qui guérit, Pierre Lemarquis, avec une jolie préface de Boris Cyrulnik. C'est une exposition fictive dans laquelle Pierre Lemarquis vous emmène, en vous expliquant évidemment les tenants et les aboutissants. Merci Pierre d'avoir été notre invité.